jour il ne pleuvra plus. Le soleil ne brûlera plus. Un jour je ne t'aimerai plus. Je ne t'aimerai plus. Un jour tout sera moins pourri. Les autres feront moins de conneries. Un jour je ne t'aimerai plus. Je ne t'aimerai plus. Je ne t'aimerai plus. Je penserai à une autre. J'en embrasserai une autre. J'en aimerai une autre. Même si c'est toi que je veux. Toi qui dans mon cœur as mis le feu. Un jour je ne t'aimerai plus. Un jour je serai heureux. Comme j'ai failli être heureux. Un jour je ne t'aimerai plus. Je ne t'aimerai plus. Je ne t'aimerai plus. Je penserai à une autre. J'en embrasserai une autre. J'en aimerai une autre. Même si c'est toi que je veux. Toi qui dans mon cœur as mis le feu. Un jour je ne t'aimerai plus. Un jour tu m'aimeras à nouveau. Putain, ce sera ballot. Le jour où je ne t'aimerai plus.